Comment direz-vous? Cet homme-là a un professeur de chinois, mais ce professeur n'est pas chinois. Alors, cet homme-là a un professeur de chinois. 那个人，où est-ce que j'ai besoin de Oui, ce que vous dites est juste. peut-être que je rajoute nan Eh bien, c'est une bonne question. Si en français, vous essayez de dire cet homme est un homme et pas une femme, bien sûr, vous pouvez indiquer cela avec naga, nan ren. Donc, si vous voulez spécifier que c'est un homme et pas une femme, comment dites-vous? Cet homme-là a un professeur de chinois, sans traduire le 1 du français. Na ge nan ren yo zhong wen lao shi Mais ce professeur n'est pas chinois. ke shi na ge lao shi bu shi 中国人 Comment dites-vous, professeur? 老师 老师 老师 老师 Comment dites-vous, ce professeur? 这个 老师 Encore une fois, comment dit-on, professeur? 老师 C'est ça, 老师 Quand vous dites 那个 Pour dire celui-là. Ou 这个 Ce n'est pas comme ça que parlent les gens. Vous entendrez 那个 Nous faisons cela ici pour que vous puissiez acquérir les bases, mais la véritable prononciation que l'on entend dans les conversations est nag, jug. Donc, reprenons. Cet homme-là a un professeur de chinois, mais ce professeur n'est pas chinois. Nag, ren, yao, zhong, wen, lao, shi, ke, shi. 这个老师不是中国人. Est-il français? 他法. Il est. 他是法国人吗? Comment dites-vous France? 法国. 法国. Avec le V rouge de la victoire. 法国 法 Oui, 法 法国人吗? Donc, quand vous faites le don du V de la victoire, n'oubliez pas de bien descendre jusqu'au fond du V avant de remonter. 法国 法 Donc, est-il français? 他是法国人吗? Et vous répondez non, ne pas être. 不是. Il est anglais, mais il habite en Chine. Alors, il est anglais. 他是英国人. Mais il habite en Chine. 可是他 Chou, sai, non, zai, Chine. Oui, rappelez-vous la Chine, l'empire du milieu. Ah, zhong, guo. Comment dites-vous ne pas être, n'est pas? Bu, shi. Oui, la trampoline. Bu, shi. Comment dit-on habiter? Chou. Ou bien chou. Chou. Chou. Et rappelez-vous de ma nouvelle conquête qui m'a dit, en voyant l'immense demeure, que j'habite dans les beaux quartiers. Tu tchoues de moi ou quoi? Bon alors, reprenons. Non, il est anglais, mais il habite en Chine. 不是, 他是英国人, 可是, 他住在中国. Où habite-t-il? Il habite à quel endroit? Avec se trouver à. Oui, il habite à quel endroit? Ta. Zhu. Zai. Na. Comment dites-vous habiter? Zhu. Oui, c'est Zhu. Pouvez-vous le dire encore une fois? Où habite-t-il? Ta. Zhu. Zai. Na. Où habite-t-il? Ta. Zhu. Zai. Nar. Il habite à Pékin. Ta. Chu. Beijing. Alors, il habite à un endroit et donc se trouve quelque part. Ah. Zai. Ta. Chu. Zai. Beijing. Beijing. Beijing. Alors encore une fois, ce n'est pas Chu, mais c'est Z-H-U, et cela se prononce comme dans tu joues de moi. Hein, avec un doigt noir que l'on pointe d'un coup vers le sol. Donc, il habite à Pékin. Ta zhu zai Beijing. Maintenant, traduisez la question « A-t-il une épouse ?» Alors, vous n'avez pas besoin de traduire une. Alors, il a une épouse plus le mot interrogatif. « Ta yo tai tai ma » Non, excusez-moi, je vais recommencer. « Ta yo tai tai ma » A-t-il une épouse ?« Ta yo tai tai ma » Et vous répondez non, ne pas avoir. Mais yo. Comment dites-vous avoir? Yo. Oui, yo. Comment dit-on ne pas avoir? Mais yo. Mais yo. Mais yo. Oui, c'est ça. Non, il n'en a pas, mais il a une petite amie. Alors dites-moi seulement. Mais il a une petite amie. Que shi ta you nu ren. Ah, ami, petite amie. You nu peng you. Non, il n'en a pas, mais il a une petite amie. 没有,可是他有女朋友. Vraiment? 真的吗? Et là, on pourra répondre vraiment ou bien oui, vraiment. 真的. Alors écoutez bien la différence entre vraiment et vraiment. 真的吗? 真的. Est-elle chinoise? Ta, non. Ta, shi, zhong, guo, ren, ma. Est-elle chinoise? Ta, shi, zhong, guo, ren, ma. Oui. Shi. Maintenant, traduisez la question. Parle-t-elle l'anglais? Elle parle l'anglais. Ta shuo ying wen ma. Comment dites-vous parler? Shuo. Oui, shuo. Rappelez-vous, comme le shuo de cet homme politique qui ne fait que des promesses. Donc, ma collègue va vous dire comment on dit « parle-t-elle l'anglais ?» en chinois. « Ta shuo ying wen ma ?» Non, elle ne le parle pas. Alors, ne pas parler. « Pu shuo ?» Non, elle ne le parle pas. « Pu shuo ?»